Balance les MC dans l'ac et un pavé dans la mare. On veut faire la maille et puis se faire la malle. J'écris mes textes dans le brouillard, on se brouille en pour des broutilles. On enchaîne les bouts et les bouteilles. Tout le monde près des gouttières, les paupières pleines de tarte. Pack et pack sur la serviette, j'en perds dans mes baskets. Ma casquette cache l'orage, j'ai fait bout de Barclay. Si je te laisse dans les brèches, je monte dans les conserves. Paroles camouflées dans le cortège, risque au collège. Des oreilles pointues dans mon flèbe compressé dans mes cornets. Des drôles d'âmes sont dans nos rivières. Oxygène cancérigène, verpulé dans les cartes. On grille nos cartes, les coutumes et les digues. J'ai posé mes couilles sur le beat. Du coca dans mon sky, de l'herbe dans mon spliff et la virgule sur mes nikes. On sirote la vodka comme les parrains de la mafia russe. Spliff de cannabis et on s'envole comme un Airbus. J'm'en bats ta poésie, j'calcule pas ta grammaire. Pendant que tu me parlais de Baudelaire, moi j'roulais mon gramme d'air. Dans ma tête c'est le western, enfile ta veste frère. Pourquoi tu veux test? J'ai plus un string dans ton vestiaire. Mes potes digèrent leur petit déj, avec un spliff d'herbe. Mec une vie éterne bien loin des films de Spielberg. On vit de pèse, whisky sec, tristesse et pas le mal. Endetté chez l'Afghan, on épuise le barman. Instable dans nos vies, il est temps de prendre de la vitesse. Y'a rien qui se passe dans la fiche, j'ai tout qui se passe dans le mystère. Je fréquente pas de commissaire, ça fait son beurre comme des petits commerçants. Il fait bien prolifère et puis tout ça depuis l'adolescence. Sous toute couture, sous tous les angles, regarde mes gens, tu verras pas des anges. Petit et plus ancien, vu les plans alléchants. Hein? Qui s'attendent à devoir monter la pente. On a grandi dans le rap tout en 10 ans à se faire péter la panse. 0-5-9, il se passe plein de bric-à-brac. Demande au petit as, y'a tout le monde qui saute quand y'a un truc à gratte. On joue pour la gagne, pour la maison à la plage. Et puis comme beaucoup d'autres, on voudrait lâcher le cocktail et la paille. Les temps sont monochromes, les averses matinales. Les journées se photocopient et partout de l'iceberg. Perdent dans un nid-gap. J'ai les doigts dans la prise, éclairé par les gyrophares. Endormi sous les lampadaires, pas d'auréole sur le 0-5. Bienvenue dans mes zones du 12, là où mes frères tous. Passez le bonjour au bled, là où la peste casse en douce. Meilleur stade de douce, la merde cesse de mettre au trouble. Nous mettons le tout, nous filmons comme des animaux en fond un scoop. La misère fait des siennes, la rue est pleine d'accordéonistes. Putain la vie sonne faux, mais celle qui joue c'est accordistes. Ils disent qu'on a rien dans l'encéphale et nous lancent la faute. Comme nos parents ne savent pas parler leur langue, mais nous laissent pas folle. Chez nous c'est rien, chez d'autres c'est voyage au Galapagos. Voyez, c'est la même tout part, la galère n'a pas de goût. On galope en douce avant que la peine nous galoche. J'en vis en calèche, passe ma vie avec la joie mais pas d'alleuse. On voit la rage à l'œil et puis nos rêves tombés à l'eau. La chance n'est pas à l'œuvre, ici c'est mort qui veille sans nous de là-haut. Merde, la défaite et les coups font partie de la hive. L'amour n'est pas de la fête, bande à Romain, les gens bien se moquent la hive. L'asphalte est dans mes phases, rigolade cache mes cernes. Bitume est dans mon angle, Sky Coca dans le désert. Mes desserts, mes premiers en dissert, tu donc dur à cerner. J'en parle mais je m'en bats, y'a des tues à se faire mec. J'ai l'habitude d'être le dernier, me colle à la peau. La solitude fait que je mélange l'alcool à la pomme. Où ça traîne dans les préaux, réglement de compte à la pause. J'ai ça préfère vendre du pédo qu'un taf de con à la poste. Y'a des chlasses dans les cartables, les tarbas, les carpas, les coupas, les coupas. Les carbans, les gardins, utile, ils crient au secours. J'fais un carnage à mon tour. J'fais un câlin à mon scoop à l'école. J'ai pas trouvé mon désir, alors j'fais mon bise avant qu'une lame vienne trouver mon lévis. L'argent fait pas le bonheur, j'y crois pas et c'est normal. Dans les chaussettes, le moral, le silic et le coma. C'est les fils ingrats, la cause des santé qui se dégrade. Farceur des classes gardiennes, racoleur de policières. Les potes du lampadaire, les pensées terre à terre. Craque quand y'a pas d'air, la rage du bord des remplaçants. Les points qui flottent dans les bracelets. C'est les fils ingrats, la cause des santé qui se dégrade. Farceur des classes gardiennes, racoleur de policières. Les potes du lampadaire, les pensées terre à terre. Craque quand y'a pas d'air, la rage du bord des remplaçants. Les points qui flottent dans les bracelets.